aux terres aimées, pétrie de toute la beauté que mes yeux fascinés accrochent à ta peau. Mes mains qui veulent saisir comme un rêve oublié recherchant à tout la fraîcheur de ton eau. Pays mystérieux en terre de brière où les âmes tempêtes errent sur les canaux et où le silence glisse sur les flots, susurre à nos oreilles, plaintes et prières. Territoire sauvage, les hommes fiers avec la nature communient aisément. Paysage sans âge hérissé de pierres gardant des trésors enfouis pour les cœurs aimants. Perdure à jamais en ces lieux la beauté et l'âme de Bretagne soufflant dans les joncs et la faune et la flore de son mieux exhalé comme le vivant mystère de la création. Terre aimée, pétrie de toute la beauté que mes yeux fascinés accrochent à ta peau. Mes mains qui veulent saisir comme un rêve oublié recherchant à tout la fraîcheur